regarder les choses différemment. Dans un bus surchargé, une vieille dame tape sur l'épaule d'un jeune homme qui était assis et lui dit « Excusez-moi, je vous cède volontiers ma place ».